Chapitre 2. Le panneau à l'entrée du grand hôpital psychiatrique indiquait les pavillons de soins, la cafétéria et l'auditorium sur la gauche, les services administratifs, les parkings, le restaurant du personnel et le bureau des admissions à droite. Mais il n'eut pas besoin de s'orienter. Les rotations des gyrophares jetaient des éclats bleus droit devant, au-delà de la barrière, illuminant la monumentale galerie d'arcade couronnée par la flèche de la chapelle. Il roula jusque-là, descendit de voiture, demanda où ça se passait au planton qui bâillait aux corneilles et qui manifestement n'avait pas vu la scène de crime, sans quoi il aurait été infiniment moins détendu, puis s'engagea à pied sous le porche avant de tourner à droite et de suivre la galerie ouverte, passant d'une arcade à l'autre, le visage frappé par l'aube acidulée. Toute une architecture d'un autre siècle se déployait. Un vaisseau de pierre lourd, lugubre et néanmoins conçu pour réparer les âmes, se dit-il en marchant alternativement dans la lumière rasante du matin et dans l'ombre des piliers. Mais les âmes, contrairement aux choses, ne se réparent pas. Tout au plus peut-on les aider à ne pas s'autodétruire, à survivre et à ne pas blesser les autres. Quelqu'un pourtant, en ces lieux, avait pris la vie de quelqu'un d'autre. « Désolé de t'avoir réveillé, Servaz », avait déclaré le nouveau commissaire divisionnaire au téléphone. « On a un homicide. »« Homicide ?» avait répété un Martin Servaz quelque peu endormi. Il avait été tiré d'un rêve des plus déplaisants. Un rêve où il revoyait tous les morts qu'il avait laissés sur le bord de la route. Tous ceux qui avaient prématurément quitté son existence. Tous ceux qui avaient émaillé sa carrière de flic. Le mieux, c'est que tu viennes voir. Il avait fini d'ouvrir les yeux sur l'autre moitié du lit, vide et froide. Il était sous la douche en se demandant si Radomil, son voisin de palier, un musicien bulgare arrivé à Toulouse avec sa fille quelques années plus tôt, était levé et s'il allait pouvoir confier Gustave à cette dernière quand le téléphone avait de nouveau sonné. C'était Vincent Espérandieu cette fois, son adjoint. Tu es en route ? « Pas encore. »« Tu as quelqu'un pour garder Gustave ?» avait demandé Vincent. « Je comptais demander à Anastasia, la fille de mon voisin. Elle cherche toujours du boulot. »« Pas la peine. J'ai dit à Charlène de passer le récupérer. Il prendra son petit déjeuner avec Flavien et Mégane. » Charlène espère en Dieu. La très belle femme de son adjoint. Son fils serait ravi de prendre le petit déjeuner en sa compagnie et avec ses cousins. C'est ainsi que Gustave les appelait. Car Vincent était son meilleur ami, autant que son adjoint. Peut-être même son seul ami. Avec Samira, bien sûr, l'autre membre éminent de son groupe d'enquête. Mais Samira était trop différente, trop indépendante, trop à part. Il se dit une fois encore que, s'il voulait profiter de son fils, c'était maintenant. Il savait que plus Gustave allait grandir, moins il aurait envie de passer du temps avec son père. Il connaissait la solution. Lâcher la crime, se trouver un boulot pépère au sein de la police avec des horaires bien bornés et des week-ends à soi, envoyer promener tout le reste. Et il souhaitait aussi consacrer plus de temps à Léa si jamais elle rentrait d'Afrique. Léa. Un pincement au cœur. Il aperçut un autre flic en uniforme un peu plus loin qui lui montra le chemin quand il eut dégainé sa brême. Puis un autre encore. Personne en vue à part des flics. À distance, sous une autre galerie, le nouveau divisionnaire était en grande conversation avec le proc, ainsi qu'avec deux hommes en blouse blanche qui étaient peut-être des infirmiers ou des psychiatres. Mince, la quarantaine, en paraissant 10 de moins, arborant costume bien coupé et cravate en soie, Hervelin était le plus jeune directeur qui connut le SRPJ. Il avait grimpé dans le ciel de la police toulousaine avec une trajectoire digne d'une fusée SpaceX. La raison de cette fulgurante ascension était un peu plus simple. Il était nul en travail de terrain, mais expert en statistiques, en réglementation, en parlotte et bientôt, Servaz n'en doutait pas, en ouverture de parapluie. Hervelin avait tout de suite regardé l'enquêteur le plus célèbre de la maison, non comme un atout, mais comme un danger pour sa propre carrière, parce que personne, pas même lui, n'ignorait que c'était aussi l'enquêteur le plus incontrôlable de la maison. Sentant une présence dans l'angle de son champ de vision, le nouveau divisionnaire pivota. Il ne parut pas spécialement réjoui en découvrant son enquêteur vedette. « Le commandant Servaz, » déclara-t-il sobrement, sans que son visage exprimât quoi que ce fût. « Il dirigera le groupe qui va mener l'enquête. »« Oui, oui, tout le monde connaît le commandant, » réagit le magistrat. Servaz se surprit à se demander si ça relevait du compliment ou bien du sarcasme. Il n'ignorait pas qu'il était considéré comme une espèce de légende au sein du SRPJ et du parquet, comme une anomalie aussi, que toutes sortes de rumeurs, de faits plus ou moins avérés, d'exagérations patentes circulaient à son sujet, et que n'importe quel nouveau venu dans la police ou la justice toulousaine finissait tôt ou tard par entendre parler de lui. Plusieurs interrogations accompagnaient généralement ces cancans. Comment faisait-il pour avoir autant de résultats? Pourquoi était-il toujours commandant? Pourquoi ne demandait-il pas une autre affectation? Commandant, voici le docteur Rollin, dit le divisionnaire en essuyant une poussière invisible sur son costume. C'est lui qui dirige l'établissement, et voici Monsieur Joubert, infirmier. Servaz examina les deux hommes. Le psychiatre, la cinquantaine, tignasse grise, visage allongé et lunettes, les mains profondément enfoncées dans les poches de sa blouse de taille au-dessus, qui flottait sur ses épaules tel un vêtement sur un cintre. L'infirmier, la trentaine, une de ces barbes longues et taillées au carré qu'affectionnent les moins de 40 ans par les temps qui courent. Il y en avait plein les rues, semblable à un débarquement d'extraterrestres déguisés en Père Noël. Le visage du jeune infirmier était tendu, celui du psychiatre en proie à la stupeur. Servaz se demanda à quel point ce qu'il y avait à l'intérieur était pénible à voir. « Je dois vous avouer qu'au cours de ma carrière, j'en ai vu des choses choquantes et des patients agressifs, » commença le psy d'une voix émue. « Mais ça, ce qui s'est passé là-dedans, c'est au-delà des mots. » Servaz se tourna vers le divisionnaire qui s'empressa de regarder ailleurs. « Qui a trouvé le corps ?» demanda-t-il. « C'est moi, » dit le soignant. « En faisant ma ronde ce matin, j'ai aussitôt prévenu monsieur le directeur. » Que se passait-il ici? On avait l'impression que ces hommes, pourtant endurcis, étaient bouleversés. « C'était un de vos patients ?» demanda Servaz en se tournant vers le psychiatre. Ce dernier hocha la tête. Stan Duveltz, 45 ans, il travaillait dans le cinéma. Il faisait des allers-retours réguliers entre l'intérieur et l'extérieur, diagnostiqué psychotique avec une schizophrénie paranoïde. Mais il était médicalement stabilisé et il bénéficiait d'un protocole de soins adapté. Un autre patient s'est évadé, ajouta Hervelin. Il occupait la chambre voisine de celle de la victime. Servaz observa le psychiatre. Il était presque aussi blanc que sa blouse. Il y avait de quoi. Ce n'était pas la première évasion à Camelot. Plusieurs fugues, comme les appelait pudiquement l'administration, avaient fait la une de la presse régionale et nationale au début de l'année. L'établissement avait alors renforcé sa surveillance, les gardes et les astreintes, fermé des unités de soins pendant le week-end, au grand dam des syndicats de soignants qui considéraient que l'hôpital n'était pas une prison et qu'avec ces mesures, il allait se transformer en cocotte-minute. Le lieutenant Samira Chung et le capitaine Vincent Espérandieu sont déjà à l'intérieur, précisa Hervelin en montrant du menton la porte ouverte, sans paraître désireux de la franchir lui-même. Servaz la détailla. Métallique, blanche, solide. Un gros bouton poussoir sur le mur permettait de la déverrouiller de l'extérieur. Il entra. Un vestibule. Une porte de chaque côté pourvue d'un hublot qui devait permettre aux soignants de jeter un coup d'œil sans déranger les pensionnaires. Cela s'était passé dans la pièce de droite, à en croire les flashs qui en jaillissaient en même temps qu'une voix familière. L'homme de type européen est allongé sur le dos, était en train d'énoncer Samira Chung. Une boule de tissu enfoncée dans la bouche, les chevilles et les poignets attachés par les sangles de cuir à fermeture métallique d'un lit de contention d'environ 1,10 m de large, tailladé en de nombreux endroits. Présence de plaies sur le visage, le thorax, les membres, le bas-ventre, l'aine, le sexe. Grande quantité de sang, mais l'assassin a évité les artères. Le corps est froid, il montre des signes de rigidité. Le sang a séché et durci, mort depuis plusieurs heures. Il s'avança. L'odeur lui sauta aux narines. Vomi, sueur, excréments. Vincent et Samira tournaient le dos à la porte, de même que les techniciens en combinaison blanche, gants et surchaussures bleues. Samira parlait à son téléphone. Un carnet à la main, un technicien traçait un croquis à l'ancienne. Servaz nota que les opérations se déroulaient dans un calme inhabituel. L'atmosphère évoquait une veillée funèbre. Même Samira effectuait les premières constatations d'une voix plus basse que d'habitude. Il comprit pourquoi, en regardant le lit au-delà de ses adjoints. Il contempla la scène sans bouger. Depuis le seuil, les sens en éveil, les idées très claires, comme toujours lorsqu'il était sur une scène de crime. Un tableau horrifiant. Dans cette pièce de 4 mètres sur 3, un assassin s'était déchaîné. La clarté de l'aube entrait par la fenêtre à barreaux. Elle caressait le lit, se joignait à la puissante lumière halogène provenant des projecteurs braqués sur la victime. L'homme, étendu sur le dos, était nu, à l'exception d'un slip de coton. Le visage bleui, les lividités visibles dans les parties basses du corps, le sang qui trempait abondamment le matelas et qui s'était assombri en s'oxydant et en se solidifiant, tout démontrait que Samira avait raison, mort depuis plusieurs heures. La lueur crue des projecteurs conférait à la scène une intensité macabre. Celle du petit jour lui ajoutait une poésie délicate et morbide. Mais ce furent les blessures qui retinrent l'attention de Servaz. Plaies noires, coupures, lacérations, nombreuses, se croisant ou parallèles, dessinant un réseau dense sur la peau blanche, le tueur avait tailladé sa victime jusqu'au moment où elle s'était vidée de son sang. Une galaxie de traînées rouges et de flaques brun-noirs constellait le corps pâle, mais aussi le lit, comme un tableau abstrait. L'assassin avait choisi des endroits particulièrement sensibles pour frapper, tétons, joues, oreilles, doigts, flancs, et aussi le sexe qui émergeait du slip baissé et portait à sa racine la marque circulaire d'une blessure profonde, tandis que le coton blanc à l'origine était trempé de sang. Il avait aussi enfoncé dans la bouche de sa victime une boule de gaz qui s'effilochait et que l'homme avait souillée de son vomi. Il y avait d'autres traces de vomissure sur le menton et la poitrine, ce qui signifiait que l'agresseur lui avait retiré le bâillon à un moment donné. Pour le faire parler? Ou parce que ça lui a plu de l'entendre crier? Parce qu'il voulait qu'on le supplie, qu'on implore sa pitié? Et personne n'a rien entendu? Samira poursuivait l'enregistrement des constatations sur son téléphone. Les blessures ont beaucoup saigné, très certainement ante mortem. Servaz détailla le lit de contention, les solides sangles en cuir et les boucles en métal utilisées pour maintenir un patient trop agité. Se demanda si tous les lits de cette unité étaient identiques ou si Stan Duveltz avait eu droit à un traitement spécial, avant celui, tout aussi spécial, de cette nuit. Quoi qu'il en soit, le tueur avait mis à profit l'installation. Duveltz avait les poignets et les chevilles emprisonnés, les bras presque en croix, les jambes en V. Le dispositif destiné à le protéger de lui-même ou à protéger les autres s'était retourné contre lui. Il n'y avait pas de traces de lutte. Pourquoi ? Se demanda Martin, qui se sentit immédiatement épuisé. Il en avait trop vu, trop entendu. Les flics, les juges, ils passaient leur temps à colmater une brèche qui ne cessait de s'agrandir. Plus vous résolviez d'affaires, plus de nouvelles surgissaient. À quoi bon ? L'époque où il pensait que ce qu'il faisait servait à quelque chose était depuis longtemps révolue. Il sentit que son cerveau était au bord de l'implosion. Tout ça. Samira se retourna. « Oh, tu es là ?» constata-t-elle. « Pas joli, joli, hein ? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire une chose pareille, à ton avis ?» Elle avait prononcé ces mots comme elle aurait parlé de la pluie et du beau temps. Ça le remit sur les bons rails. Rien de tel que le recul et le sang-froid de Samira Cheung pour commencer une journée de travail. Visuellement, c'était une autre histoire. Samira ressemblait autant à un flic qu'une citrouille de Halloween à un vase chinois. Ses yeux cernés d'un trait épais de crayon noir lui donnaient un regard à la fois fascinant et perturbant. Ses cheveux bruns coupés à la diable et ses fringues, pantalon vinyle, blouson de cuir clouté et t-shirt noir, évoquaient davantage une maîtresse SM qu'une enquêtrice de l'APJ. Elle mâchait un chewing-gum qu'elle fit claquer avant de conclure laconiquement. « Ça craint ?»« Oui, le légiste. »« Elle arrive ?» répondit Vincent espérant Dieu. Elle. Il n'y avait qu'une seule femme à l'Institut médico-légal de Toulouse, le docteur Fatia Djellali, compétente, professionnelle jusqu'au bout des ongles, enfin une bonne nouvelle. Vincent était blême. Lui aussi, le spectacle l'avait secoué. Un technicien était incliné sur le sang du matelas. Il en humidifiait une petite quantité à l'aide de gouttes de sérum physiologique avant de la prélever sur un écouvillon. Servaz se pencha sur un côté du lit, il venait de repérer quelque chose. Sur le bord du matelas, là où pendait inerte une des mains du mort. Un détail insolite, incongru, incompréhensible. Une spirale. On eût dit que l'index du mort, bien que son poignet fût resté prisonnier de la boucle en cuir, l'avait tracé de l'ongle dans le sang frais qui imbibait le matelas. Geste réflexe ou message laissé à leur intention. Servaz se redressa. Il le sentait. Quelque chose se passait ici. Cette affaire n'était en rien comme les autres. Il fit signe au photographe, lui montra le symbole, le flash du technicien explosa. Espérant Dieu s'était penché aussi sur l'étrange symbole, plus clair sur le rouge brun du sang séché. Une spirale parfaitement dessinée. « Putain !» lâcha son adjoint. « C'est quoi ce film d'horreur ?